Allez, on passe à la suite. Alors la suite, c'est le gros morceau du mois dernier, hein, Ah. le gros morceau de fin mars. Ouais. Un bébé de 928 pages. Eh ben, Robin, vas-y. Et ben alors, déjà, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la fin. Déjà, je dis achetez-le tout de suite. Je mets 10 sur 10. Pourquoi? Parce que Harbinger, c'est tout ce que les X-Men devraient être en 2017, ou en 2012 lors du relaunch, puisque c'est vraiment une équipe avec ses failles, une équipe qui à la fois hyper puissante, avec plein de personnages. Ça commence déjà par Peter Stanchek, pas facile à dire, qui est un psychotique, hein, c'est-à-dire qu'il a des pouvoirs télépathiques. Il arrive à donner... à faire penser, faire croire des choses aux gens. Enfin voilà, il a beaucoup de pouvoir, beaucoup de pouvoir. Et sauf que c'est un gars qui est complètement perdu, qui prend énormément de drogue, de médicaments pour oublier et pour essayer de justement inhiber ses capacités. Sauf qu'un jour, il tombe sur quelqu'un qui s'appelle Toyo Harada, qui a une fondation qui s'appelle la Fondation Harbinger, et qu'il recrute pour le faire rentrer dans son école, une école dans laquelle les psiotiques qui ont des pouvoirs sont entraînés pour pouvoir mieux maîtriser leurs pouvoirs. Enfin, c'est l'approche que Harada a au premier abord, sauf qu'en fait, cette personne, c'est plutôt, on va dire, un gros mégalo qui a envie de contrôler le monde d'une façon ou d'une autre, en essayant d'imposer ses idées et donc les psiotiques avec des méthodes vraiment très très brutales. Et Peter, voyant ça, il s'enfuit et il va recruter des personnes qui, comme lui, sont des psiotiques, puisque lui, il a une capacité particulière, il peut activer les gens qui ont des pouvoirs latents. Donc il va recruter plusieurs personnes, Flamingo, Chris, qui est une amie d'enfance qui le rejoint dès le début, Face, que vous allez avoir la chronique plus tard, et Torque. Et ça fait une équipe qui, du début à la fin, va vivre des aventures vraiment intéressantes, avec en plus un crossover avec Harbinger Wars, qui est avec Bloodshot. Merci. Et vraiment, c'est une histoire qui est super intéressante du début à la fin. Ça ne s'arrête jamais. Enfin, il y a vraiment des passages qui sont vraiment bien. Le niveau du dessin, c'est pareil, tout est vraiment bien dessiné. Il y a du Cary Evans, du Clayton Henry, du Barry Kitson, Rafa Sandoval. Le scénario, c'est tout le temps Joshua Dysart sur tout l'album. Il y a une tonne de bonus. Franchement, je vous ai résumé ça n'importe comment, parce qu'il se passe tellement de choses dans ces 25 épisodes, plus tous les autres épisodes de Harbinger Omega, Harbinger Wars qui sont dedans, que vraiment vous n'allez pas vous ennuyer. Et à 49€, si vous avez un seul comic à acheter ce mois-ci, enfin le mois dernier, c'est celui-ci. Obligatoire. Donc ça contient quand même, pour le contenu, le numéro 0 à 25 de Harbinger, plus le Bleeding Monk numéro 0, plus Harbinger Wars 1 à 4, plus Harbinger's Omega 1 à 3. Voilà. Je pense qu'il y a les Bloodshot aussi qui sont dans le crossover Harbinger Wars. Non ? Non, ils sont pas mis, les Bloodshot. Les parties Bloodshot sont pas mises. Je pense que ce qu'ils gardent ça pour une éventuelle intégrale de Bloodshot. Je l'ai lu en numérique, donc c'est encore mieux avec Bloodshot. Donc voilà, mais du coup elle manque pas les parties. Les parties Bloodshot elles manquent pas. Et à la rigueur, moi qui avais lu Harbinger Wars en VO, en lisant bien les trois séries dans l'ordre où ça sortait, etc., c'était pas forcément simple de jongler d'un point de vue à l'autre, etc., de suivre cette histoire qui était quand même assez dense, assez complexe. C'était pas forcément simple de croiser les trois séries à la suite, etc. Donc le choix de mettre que la partie Harbinger plus la série principale, c'est pas mal. On reste focalisé sur le point de vue des Renegades, enfin des Renegades en VF. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce tome, c'est vraiment un nouveau statu quo. Donc ça annonce encore d'autres choses. À suivre. Anthony, coup de cœur pour toi aussi ? Oui, énorme coup de cœur. Je vais revenir sur deux points très précis autour de ce Harbinger. En fait, c'est un, l'évolution des personnages. Donc aujourd'hui, c'est clairement en gros les X-Men chez Valiant. Quand on lit du X-Men, en gros, voilà, on a un battement de 1 an, voire 2 ans, puis retour en arrière complet et on redémarre au départ. Ça, c'est bien parce que c'est une porte d'entrée constante, c'est moins bien parce que ça permet pas d'avancer de manière continue et du coup d'avoir une vraie évolution. Là, ce que fait Joshua Dysart, c'est que sur ses 25 numéros, il part d'un point A, il doit arriver à un point Z et il passe par toutes les lettres au milieu. Et c'est vraiment incroyable la manière dont les personnages évoluent et le naturel avec lequel ça se fait. On comprend l'état mental, intellectuel, physique dans lequel est Peter au départ. On comprend là où il est à la fin. On arrive à saisir par toutes les étapes à travers lesquelles il va passer. On arrive à comprendre ses motivations, ses déceptions. Et c'est vraiment très très fort. Enfin, vraiment, j'ai un amour vraiment profond maintenant pour ce personnage-là, parce que j'arrive à comprendre. Enfin, c'est un personnage vrai. C'est-à-dire que les X-Men, c'est très idéalisé dans la manière dont ils utilisent tous leurs pouvoirs. Là, non. C'est-à-dire qu'un peu à la manière d'un Rising Star de Straczynski, où voilà, les héros, ils ont des pouvoirs, mais à côté de ça, c'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Là, c'est tout le temps nuance de gris. C'est-à-dire qu'il y a toujours du désavantage à être, à pouvoir lire dans les pensées des gens, à être attentif et ultra ouvert aux autres. Et ça, c'est super. Et le deuxième point, moi, qui m'a vraiment plu, c'est la contextualisation qu'arrive à mettre en place Valiant sur toute leur série. C'est-à-dire qu'on a toujours le point de vue de toutes les parties. Dans Harbinger, à un moment, il y a un arc très très long qui se passe sur un événement à Vegas. Je vais pas dire le pourquoi du comment. Et à ce moment-là, on a tous les points de vue. On a les points de vue des renégats, on a les points de vue des forces opposées, il y a une task force militaire qui intervient au milieu, on a aussi le point de vue des civils, et chez Valiant, on a toujours ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une contextualisation. On va avoir toujours le point de vue de l'ONU, des Nations Unies, des gouvernements. Comment les rares super-héros qui sont dans cet univers, parce qu'il n'y a pas 75 ans de continuité, donc les héros, on peut les compter sur les doigts d'une main quasiment, comment ils évoluent au milieu de ce monde-là. Et du coup, c'est assez génial parce que l'univers, il prend forme et il est vachement tangible. En faisant référence à des organismes ou des administrations qui existent vraiment, bah, on arrive à comprendre les points de vue, les motivations, comment tout ça se place, et c'est vraiment génial de ce point de vue-là. J'ai vraiment adoré ce tome. Et on arrive tout le temps à être surpris, parce que quand on lit des comics depuis des années, enfin, il y a des choses qu'on relit et qu'on relit, c'est tout le temps pareil. Mais alors là, il y a des moments où vraiment on est sur le cul. Bon, ouais. Merde, j'avais pas encore lu ça. Non, c'est vrai, c'est tout ça. C'est à la fois épique et touchant, parce que les relations entre ces et tous les personnages, ces renégats sont hyper bien écrites et évoluent de manière à la fois logique mais vrai, et du coup c'est intéressant. Le casting secondaire, on nous introduit quand même une génération zéro qu'on reverra plus tard à travers sa propre série, qui est quand même pas dégueulasse non plus. Pour les lecteurs qui suivaient, qui ont découvert Valiant avec Beast Comics, et je suis sûr que parmi les lecteurs Beast Comics, nombreux sont dans ce cas-là. Ben enfin, vous savez qui est Arada, enfin, vous en savez plus sur Rising Spirit, sur la Fondation Harbinger, sur toutes ces dégueulasseries dont on vous parlait à demi-mot dans les autres séries. Ben là, ça y est, vous avez pu recoller quand même beaucoup de morceaux avec cette intégrale. Donc c'est une grosse brique, mais c'est une brique qui est importante pour l'univers Valiant. Et puis vraiment, ça vaut le coup, franchement, 49€, quoi. C'est moins cher qu'un omnibus, et ça n'existe pas en VO, ça a quand même le mérite, cette intégrale, de ne pas exister en VO. C'est quelque chose qui a vraiment été créé par Bliss Comics, de tout condenser comme ça dans un volume. Bliss, vraiment... Il y a des gros pavés en VO qui traquent, je crois qu'Harbinger, comme ça, en deluxe édition, il est en deux ou trois morceaux. Il y a les deux morceaux pour la série principale, et puis il y en a un pour Harbinger War. Tout à fait, ouais. Avec tous les séries dérivées autour. Donc on a tout en un seul volume, 49€, c'est limite donné pour presque 1000 pages. Ouais, quand on compare au prix du premier du Croque-Mitaine, malheureusement pour Croque-Mitaine et les auteurs. C'est clair, c'est clair. Donc oui, c'est le gros morceau à acheter, effectivement. Mais il y a tellement, il y a d'excellentes choses ce mois-ci aussi qui arrivent chez Bliss en avril. T'avais quand même deux ou trois gros trucs aussi, avec Face, que du coup vous nous avez découvert là dans Harbinger. Sa série démarre juste derrière la sortie de l'intégrale. Vous n'avez pas trop longtemps à attendre. Vous allez avoir Book of Death qui arrive à la fin du mois d'avril, qui est absolument énorme. Oui. Donc on se répète, mais c'est du bon. Alors, je sais que vous mettez 10 tous les deux, sauf si vous changez d'avis, mais ça m'étonnerait, vu ce que vous venez de dire. Moi, je lui enlève un petit truc, je lui mets 9 ou 9,5, je suis un peu entre les deux. Parce que oui, on a la perfection au niveau de l'histoire des dessins, tout ça, c'est assez incroyable. Là, je pense qu'on a atteint les limites physiques, cette fois, du bouquin, en termes de matière d'objets. Je veux dire, là, ça y est, 900 pages à relier dans ce format-là, ça commence à être compliqué. Ça craque. Moi, ça n'aurait pas supporté la lecture. Je l'ai renforcé avant, au bout de 100 ou 200 pages, quand j'ai vu que si je continuais à le manipuler comme ça, il allait craquer, que j'allais me retrouver avec les pages d'un côté et la couverture de l'autre. Ils ont fait pourtant beaucoup de boulot pour renforcer le truc, c'est clair. Mais c'est un énorme truc de plus de 900 pages. Et forcément, quand on veut relier un truc aussi lourd, parce que ça pèse son poids, donc petit conseil, si vous l'achetez, testez bien la reliure avant de l'acheter, et éventuellement renforcez-le avant, parce que ça serait moche qu'il soit abîmé, quoi.